croit des mots inélégants envers quelques seigneurs qui s'érigent en maître. Je préfère sourire et voir par la fenêtre la féminine engeance rejoindre son amant. Jeunesse vagabonde court sous le soleil, choubée par les douleurs des plaisirs de ton âge. Derrière les croisées d'un vieil appartement, ton corps en feu exhale subrepticement corps triomphant des sources qui jaillissent. Jeunesse à la porte, jeunesse à la porte, tu te meurs bruyamment. Les discours officiels se perdent.